La communauté internationale apprécie haut la puissance invincible de l'héroïque armée populaire de Corée. Le rampage d'Internet du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique a noté que le président Kim Il-sung a proclamé le 8 février 1948 la fondation de l'armée populaire de Corée, force armée régulière, à partir de précieuses expériences et traditions de la lutte révolutionnaire anti-japonaise. Il a affirmé ensuite que l'armée populaire de Corée est renforcée en une armée régulière révolutionnaire grâce à son originale idée d'édification militaire et à sa direction éminente, sauvegarde sûrement la sécurité de la patrie socialiste et du peuple, tout en manifestant son prestige d'armée invincible. Par ailleurs, le Centre brésilien d'études des idées du Tutsi a souligné à travers son page d'Internet que durant toute sa direction de la révolution, son excellence Kim Jong-il a conduit lucidement l'armée populaire de Corée pour qu'elle joue parfaitement son rôle d'avant-garde patriotique et que l'armée coréenne ouvre aujourd'hui la brèche dans tous les postes de l'édification d'une puissance socialiste avec le mot d'ordre « C'est à nous d'assumer et la défense du pays et de l'édification du socialisme ». D'autre part, le président du Forum allemand anti-impérialiste, le dirigeant national du Parti travailliste du Mexique et le président de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée ont qualifié le respecté camarade Kim Jong-un de grand homme sans égal, doué d'une intelligence militaire sans pareille et de l'art de commandement extraordinaire. Ils ont affirmé également que grâce au camarade Kim Jong-un qui continue parfaitement la cause de la révolution de Sun Gun des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, l'armée populaire de Corée manifestera toujours son invincibilité.